Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Promutuelle Assurance est fière de présenter ce balado. Assurance auto, habitation et entreprise, on est là pour vous offrir les protections adaptées à vos besoins. Pour assurer votre paix d'esprit, Promutuelle Assurance est là. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'incroyable aventure du tunnel sous la Manche. La conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière. La reine Élisabeth II, le 6 mai 1994, le jour de l'inauguration du tunnel sous la Manche, ce jour-là, un vieux rêve se réalise. Depuis près de deux siècles, Français et Britanniques caressent le projet de relier la France et le Royaume-Uni. L'Eurotunnel est une formidable aventure humaine, prouesse technique, investissement colossal, chantier du siècle, dira-t-on même. La construction de ce tunnel, qui est le plus grand tunnel sous-marin du monde, marque un important jalon de l'histoire de la construction européenne. De l'imagination et de la haute technologie. Le tunnel sous la Manche est l'un des projets les plus fous, les plus ambitieux que l'humanité ait jamais réalisé. Un ouvrage pharaonique évalué à plus de 14 milliards d'euros. C'est un projet qui fait rêver les ingénieurs et puis quand même en partie les populations depuis deux siècles. Pendant 8 ans, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce projet a mobilisé jusqu'à 12 000 ingénieurs, ouvriers et techniciens, français et anglais. Un chantier de renommée planétaire. 11 foreuses gigantesques, créées sur mesure, ont creusé 3 tunnels de 50 km, dont 38 sous le niveau de la mer. Le tunnel sous la Manche, c'est le tunnel sous-marin le plus long du monde. Un exploit réalisé avec une technologie de pointe, bravant tous les obstacles. Aujourd'hui, le tunnel sous la Manche abrite le système de transport le plus sophistiqué au monde. Il accueille 360 trains par jour. L'Eurostar relie les gares de Paris et Londres en seulement 2h15. Les navettes peuvent transporter 180 voitures en 35 minutes de l'autre côté de la Manche. Le tunnel a rapproché les peuples. Il a changé la face de l'Europe. Extrait du documentaire « Tunnel sous la Manche, chantier du siècle » réalisé par Barbara Nessek et diffusé à la chaîne française RMC Découverte en 2014. Pour nous raconter l'extraordinaire histoire de ce tunnel, je reçois l'historien Éric Dussault, ami de l'émission. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. L'idée, on l'entendait, c'est un projet complètement fou, c'est une idée fabuleuse, c'est une réalisation fabuleuse. Mais cette idée-là, c'est pas une idée neuve, Éric Dussault. À quand remonte le début de cette idée folle d'un tunnel sous la Manche? Écoutez, il y a eu pas moins de 139 projets juste au 19e siècle. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce mythe. Hein? On l'entendait dans l'extrait, comment ça a fait rêver les ingénieurs. Et finalement, après toutes sortes de propositions, entre autres des tunnels, des tubes flottants, des ponts aussi qui pourraient relier des îles artificielles, on en arrive à 1801-1802. À ce moment-là, il y a Albert Mathieu Favier qui va proposer le premier véritable projet concret, là, qui va donner en quelque sorte une idée de ce que ça pourrait être dans la réalité. On parle d'un tunnel foré composé de deux galeries qui sont superposées et qui serviraient entre autres à utiliser ce qu'on appelle la malle-poste à l'époque. Hein. Donc c'est avant le chemin de fer, donc faire circuler la poste. Mais en 1802, étant donné le retour des guerres napoléoniennes, eh bien ce projet-là va être abandonné. Ça, c'est pour le projet numéro un le plus important. Le deuxième, 1833-1870, là c'est un ingénieur français, retenez son nom, il est important, Aimé Thomé de Gamont. On l'appelle le père du tunnel. Oui. Parce que M. Gamont, en fait, a consacré toute sa vie à ce projet-là et c'est celui qui a exploré avec un scaphandre le dessous de l'eau hein, et qui a découvert qu'il y avait une espèce de proximité géologique entre les bassins de Londres et de Paris. Alors, il a donné une crédibilité technique et scientifique à ce projet-là, mais il va mourir et puis finalement le projet va tomber avec lui. Et puis 1874-1883, c'est la première entreprise de construction. On a vraiment aménagé du côté britannique et du côté français. Là, c'est sérieux. C'est plus qu'un projet. C'est plus qu'un projet. On a creusé presque 2 kilomètres d'un côté comme de l'autre de galeries. Et en fait, les Britanniques ont toujours craint une invasion française. Ouais. Et pourquoi? Parce que les Britanniques sont fiers d'être insulaires. Ils sont fiers d'être isolés. D'ailleurs, l'histoire leur a donné raison. Donc, cette idée de relier au continent européen ces îles britanniques, ça fait peur aux militaires. C'est pour ça qu'il y a toujours eu de l'opposition à l'égard des différents projets qui ont été soumis. Et cette fois-là, il va y avoir une campagne des conservateurs et des militaires qui vont aboutir finalement à l'abandon de ce troisième grand projet en 1883, mais il va rester quand même les 2 kilomètres de galerie dont je parlais tout à l'heure. Monsieur le Président, je crois fermement que ce grand projet que nous avons conclu aujourd'hui sera jugé passionnant. Passionnant parce que c'est une réalisation nouvelle. Passionnant parce que c'est une grande entreprise. Passionnant parce que c'est un ouvrage digne de notre époque et des aspirations des peuples de nos deux pays. Avant tout, c'est un défi. Espérons que nos ouvriers, nos entreprises, nos nations se lèveront à sa hauteur. Je voudrais que vous sachiez, et vous spécialement, Madame le Premier ministre, que la France se réjouit de cette nouvelle occasion, dans un monde qui n'est pas si facile, de marquer que lorsqu'on en a la volonté, on peut toujours réussir à réunir, à rassembler, à relier des peuples que l'histoire et que tout rapproche. Le 20 janvier 1986, le président français François Mitterrand et la première ministre britannique Margaret Thatcher donnent donc le feu vert au projet d'Eurotunnel. Comment en arrive-t-on, Éric Dussault, à ce fameux et historique feu vert? C'est historique. Je pensais à Wolfe et Montcalm qui se sont affrontés sur les plaines d'Abraham. Pouvaient-ils imaginer qu'un jour l'Angleterre et la France seraient reliées par un tunnel? Ouais. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment incroyable au niveau symbolique. Et c'est en 1981, François Mitterrand prend le pouvoir au début des années 80. Et c'est en septembre 1981 qu'il va y avoir des discussions concrètes autour de ce projet-là. Et finalement, il y a 5 banques qui vont appuyer ce projet parce que c'est important. Alors ça permet d'avancer. C'est-à-dire que les gouvernements ne seront pas engagés financièrement là-dedans. C'est une entreprise strictement privée. Et ça, c'est un gros point de discussion. Oui. Mais c'est fondamental pour la suite du projet. Ce sera un projet privé. Oui. Et l'avantage, c'est que ça sort l'Eurotunnel des aléas politiques. Oui. Étant donné que le financement est privé. Donc, il y a 4 projets qui sont soumis en 1985. Finalement, on l'a entendu en 1986, Thatcher et Mitterrand décident de choisir l'Eurotunnel. C'est officialisé en 1986 par l'accord franco-britannique, qui est important, qu'on appelle le traité de Canterbury. Et dans ce traité-là, on va discuter de la question des concessions. Alors, il y a les 2 créations, France-Manche du côté français et Channel Tunnel Group du côté britannique, qui vont avoir droit pendant 55 ans de ramasser des sous en exploitant le tunnel sous la Manche. Et en 1987, les 2 parlements, britannique et français, vont finalement ratifier ce traité-là et l'acte de concession est confirmé. Ça veut dire que jusqu'en 2042, on va pouvoir exploiter ce tunnel entre la France et l'Angleterre et en retirer des profits. Ouais, voilà. Donc c'est très important. L'accord d'origine, mais en fait, il y aura une prolongation. Là. Les 2 groupes privés vont pouvoir l'exploiter finalement pendant quoi, 99 ans? Oui, maintenant, ça va jusqu'en 2086. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que les compagnies qui sont derrière ça ont la garantie de pouvoir avoir des sous qui vont entrer de façon régulière. Et s'ils ont eu cette garantie, c'est qu'évidemment, ce tour de force, la construction de ce tunnel-là, c'est un tour de force sur le plan de l'ingénierie, entre autres, ça va coûter une fortune. Parlez-moi de ça, les investissements gigantesques qui vont être consentis au projet. privé, important, je le rappelle, il y a des banques, mais la population est engagée dans ce processus-là aussi, puisqu'il va y avoir des actions, entre autres, qui vont être créées et qui vont être vendues. Il y a aussi des souscriptions. On va amasser au départ 10 milliards, puis finalement, ça va aller jusqu'à 17 milliards de francs qui vont être ainsi levés pour ce projet-là. Les banques vont investir jusqu'à 200 banques, notamment le Japon va être très important. Il y a un quart de la somme totale qui est investie par le Japon. Alors, 200 banques, le commun des mortels qui peut acheter des actions, qui peut contribuer par le biais des souscriptions. Tout ça fait en sorte que le projet de départ estimé à 50 milliards va finalement atteindre, selon les chiffres qu'on regarde, 88 à 100 milliards de francs. Vous imaginez la somme que ça représente. Alors, évidemment, les gouvernements sont contents de ne pas s'être engagés là-dedans, ouais, parce que c'est une somme importante, mais ça démontre qu'on a pu quand même, au fil du temps, amasser des sommes importantes et le projet a abouti. Choisi par tirage au sort, c'est à Philippe Cosette du côté français et à Graham Fagg du côté anglais que revient l'honneur de franchir les derniers centimètres. C'était beaucoup plus difficile de casser les derniers centimètres de roche que je n'avais imaginé. Je transpirais. J'avais vraiment très chaud. Ensuite, nous avons ouvert un petit trou. J'étais très heureux de voir Philippe. Et à ce moment-là, donc, j'aperçois Graham. De l'autre côté, on me faisait signe, venez, venez, venez. Alors j'ai passé ma tête de l'autre côté. Et puis après, bon, c'est Graham qui a passé sa tête. Et puis on a fait le premier échange des drapeaux. Lui, il m'a dit « Bonjour, mon ami ». Puis moi, je lui ai dit « Welcome to France », parce qu'on était bien en France. Vive la France ! Vive l'Angleterre ! Ça, c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Oh, la foule criait de joie. Tout le monde applaudissait. C'était vraiment extraordinaire. À nouveau un extrait du documentaire « Tunnel sous la Manche, chantier du siècle ». C'est donc le 1er décembre 1990 que se rencontrent les travailleurs français et britanniques dans le tunnel sous la Manche et qu'a lieu cette fameuse poignée de main historique entre Philippe Cosette qu'on entendait et Graham Fagg. C'est assez touchant, cet extrait-là. Ça nous montre très concrètement, Éric Dussault, ce qu'a été cette aventure humaine de la construction du tunnel. Oui, et petite anecdote, l'ouvrier français racontait qu'il n'aurait jamais cru que ce seraient des ouvriers qui auraient été utilisés pour inaugurer ce moment historique qui est le lien direct entre l'Angleterre et la France. Il était certain, lui, que ce seraient des politiques, ouais, des personnalités publiques qu'on aurait choisies. Alors, au hasard, il a été sélectionné et voilà le résultat. Et c'est important parce qu'à partir de ce moment-là, évidemment, là, c'est plus concret que jamais, là, c'est clair. Il existe, le tunnel. Ouais. Il va falloir attendre encore 4 ans. Ouais. Avant que tout ça fonctionne bien et bien. Mais là, on ne peut plus reculer, c'est clair qu'on a avancé. Alors, on l'a dit, chantier du siècle, exploit technologique, aventure humaine. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 8 ans. Il y a plus de 10 000 hommes, autour de 12 000, qui ont travaillé sans relâche. Imaginez les conditions de travail là-dedans. C'est assez rocambolesque, on va en reparler, je pense. Mais peut-être comprendre en quoi ça consiste. On parle de 2 tunnels dans un sens unique qui ont été créés pour les trains et les navettes. Et au milieu, il y a un tunnel qui a été aménagé pour des raisons de sécurité et de service. Donc, en cas de problème, on va pouvoir utiliser ce tunnel de service-là. Et l'aération provient aussi de ce tunnel de service. Donc, l'évacuation des passagers, entre autres, s'il y a un gros problème dans un des 2 tunnels où circulent les trains et les navettes, on peut rejoindre donc le tunnel de service. Oui, mais pour ça, ça prend ce qu'on appelle des rameaux de communication. C'est-à-dire qu'à plus de 700 reprises, il y a des galeries qui ont été créées pour relier le tunnel dans lequel circule le train ou la navette avec le tunnel de service pour pouvoir évacuer. Alors, c'est génial comme système. Et puis, on parle de tunnels qui, à 3 reprises, font 50 km. Ça, c'est quand même incroyable. Dont 38 sous mer jusqu'à 40 mètres de profondeur. Alors, c'est une entreprise titanesque. Ouais. Ça a pris, évidemment, 8 ans pour y parvenir avec un résultat phénoménal. Ouais, une circulation, absolument. On entendait des chiffres au début de l'émission aussi, mais c'est fou. C'est vraiment sur le plan, on y reviendra, mais sur le plan économique, sur le plan de la vie des gens, c'est une petite révolution. Un petit mot, vous l'avez évoqué, mais on essaie d'imaginer ce que ça peut être, la construction d'un ouvrage comme celui-là. On est sous l'eau. Pour les gens qui ont travaillé, pour ces 12 000, à peu près 12 000 travailleurs du tunnel, qu'est-ce que ça veut dire, la construction du tunnel, je dirais, au quotidien, Éric Dussault? La construction du tunnel, c'est une aventure pas facile parce que c'est humide. Parfois, ça peut être un peu frais. C'est surtout un milieu dans lequel on est enclavé. On est complètement isolé du reste du monde. Et ceux qui font le quart de nuit, par exemple, de fin de journée, de nuit, ben sont... ils rentrent au travail, il fait presque nuit, puis ils sortent, il fait nuit. Donc, ce qu'ils disaient, certains ouvriers disaient, ben c'est... travail, dodo, on mange, ouais. Et puis voilà, ça se résume à ça. C'est un peu comme partir à la mine, là. On part dans ce tunnel, oui. Il faut aller rejoindre le chantier, c'est ça, au fond. Exactement. Et ce qui est particulier dans le système qui a été créé, c'est que plus on avance dans le tunnel, plus les ouvriers sont payés, et plus ils passent du temps sous terre, plus ils sont payés. Donc, c'est comme ça que l'évolution des revenus s'est faite. Alors, vous imaginez que pour certains, après 8 ans, c'est la tristesse que ce soit arrêté, mais en même temps, on peut imaginer qu'au quotidien, pour la vie de famille, pour la vie amoureuse, c'était quand même pas simple. Et on est revenu beaucoup sur la question du bruit aussi dans le cadre de ce travail-là. L'humidité, le bruit, la saleté. Mais c'est une formidable aventure malgré tout. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons entrer dans le tunnel sous la Manche. Il est 8h35 en Angleterre. Ce moment-là, les passionnés du monde ferroviaire l'ont attendu 6 ans. Ouais! On se rend pas compte qu'on est dans un tunnel, on se croirait dans le métro. Un TGV sous la Manche, c'est donc depuis ce matin une réalité. Paris-Londres, en 3 heures et 5 minutes, 2 départs par jour pour commencer, et celui de ce matin, le premier en exploitation commerciale, ils étaient à 2 000 000 à ne vouloir le manquer, sous aucun prétexte. Reportage d'Antoine Cormerie, présenté au journal de 20h de France 2 le 14 novembre 1994. Quel impact, Éric Dussault, va avoir la mise en service de l'Eurostar entre Paris et Londres? Sur l'économie, bien sûr, mais sur la vie des gens aussi. Oui, parce que, petit rappel, donc on parle de 3 tunnels. Dans ces tunnels-là, il y a à la fois un train de passagers qui circule, mais il y a aussi des trains de marchandises et il y a des véhicules automobiles et des camions, des bus qui peuvent aussi circuler par le biais de navettes. Donc là, on parle de la partie train de passagers, ouais. L'Eurostar. C'est comme l'émission qu'on a consacrée au TGV. On s'est rendu compte jusqu'à quel point ça avait modifié la vie des gens. Imaginez, on peut habiter à Paris, travailler à Londres et l'inverse. On peut avoir un amoureux ou une amoureuse de l'autre côté. On peut avoir des amis de l'autre côté. On peut aller faire du shopping, comme disent les Français, du magasinage. C'est incroyable les possibilités qui sont créées par ça. C'est facile, c'est rapide, c'est sécuritaire malgré ce qu'on va rediscuter plus tard. Il y a quand même eu des incidents, mais globalement, c'est comme les avions, ouais. C'est assez rare. Ensuite de ça, ça va permettre aussi un rapprochement entre les deux peuples quand même. Hein. On sait qu'il y a quand même beaucoup, je pense, j'évalue les chiffres comme ça, il me semble, dans ma tête, c'est 100 000 Français qui vivent à Londres. Là. Ça, c'est des choses qui ont été rendues possibles par la création du TGV. Alors, à 160 km/h dans le tunnel pendant 20 minutes et à peu près 300 km/h en dehors du tunnel. Ouais. Ça nous permet, en 2h15, on l'a entendu tout à l'heure, de relier les deux capitales. De centre-ville à centre-ville, ben oui, c'est tout à facile. Fait. Ouais. Oui, et il y a Charlotte Rampling, une comédienne que j'aime beaucoup, qui, elle, vit en France depuis plus de 30-40 ans et qui disait que ça lui a vraiment permis de diminuer cette tristesse, son manque de l'Angleterre qu'elle connaissait depuis longtemps. Donc, il y a aussi cet aspect identitaire qui est intéressant, c'est que les Britanniques se sentent peut-être plus proches de leur île maintenant en raison de ce lien-là. Est-ce qu'il y a l'idée quand même, j'imagine les premiers passagers, l'idée de traverser sous la Manche, sous l'eau, ça peut faire peur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des accidents, des incidents? Oui. Malheureusement, devrait-on dire. Tout ça, on parle du train Eurostar qui a été mis en service en 1994, 18 novembre 1996, donc 2 ans plus tard. Il y a déjà un incendie qui a éclaté dans une navette pour poids lourds. On est à 17 km de l'entrée française et il y a 8 personnes qui ont été légèrement intoxiquées. On peut imaginer ce qu'elles ont ressenti. D'ailleurs, elles ont témoigné. On peut parler, dans leur cas, d'un choc traumatique, d'un choc psychologique, puisqu'il y a eu quand même de la fumée de façon importante. Elles sont isolées pendant un certain temps. Ils n'ont pas d'informations qui leur sont données. Donc, elles ont vraiment vécu quelque chose de difficile. Et ça a alerté quand même l'opinion publique. Les médias ont largement parlé de cette affaire-là. Et il y a eu un rapport d'une commission de sécurité qui a été produit. Et on s'est rendu compte que les navettes ouvertes qui ont été créées par Bombardier, parce que c'est le premier projet de Bombardier en France, il faut le rappeler, dans les années 90, eh bien, malgré le fait qu'elles soient ouvertes et que, selon les pompiers britanniques, ça causait des problèmes de sécurité, on va les maintenir en place, mais on va adopter un nouveau système de sécurité après un deuxième incendie qui survient, lui, en 2008. Et encore là, il n'y aura donc pas de perte de vie humaine, ouais, mais quand même des gens qui auront été probablement bouleversés pour le restant de leurs jours. Et c'est en 2010 qu'on va finalement investir 20 millions d'euros dans un nouveau dispositif de lutte contre les incendies. C'est assez intéressant. On parle d'un brumisateur géant qui va permettre donc d'éteindre le feu, de faire chuter la température en cas d'incendie et de stopper la propagation du feu. Donc ça, c'est intéressant. 2009, là, c'est l'hiver, c'est le froid et la neige en 2009 qui vont créer des problèmes en décembre. Pendant 13 heures, j'étais en France à ce moment-là, je m'en rappelle, ça fait la une des médias. Pendant 13 heures, il y a des gens qui ont été coincés dans le train. Et puis, en 2018, là, c'est la chaleur qui a créé une panne électrique et qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont été coincés dans le train. Donc, on se rend compte qu'il peut y avoir des risques, mais je le répète, c'est comme l'aviation, globalement parlant, considérant le nombre de départs et d'arrivées à Paris et Londres et à Bruxelles et ailleurs en Europe, c'est quand même très sécuritaire. Il n'y a pas encore eu de catastrophe. On sait qu'il n'y en est pas. C'est plus... Mais évidemment, le temps est long. 13 heures dans un train sous l'eau, sous la Manche, on doit avoir hâte que ça se termine. Dernier élément, parce que évidemment, l'histoire, c'est ça. On avance avec le temps présent. Il y a un dernier épisode, en fait, de l'histoire de l'Eurotunnel qui s'écrit depuis quelques années, avec la montée en flèche des migrants clandestins, Éric Dussault, qui tente évidemment de traverser la Manche, de la France vers l'Angleterre. Comment ça se traduit, ce phénomène-là, concrètement, sur l'Eurotunnel? Oui, ça, c'est le côté sombre de l'Eurotunnel et ça m'apparaissait important d'en parler. Écoutez, on estime qu'il n'y a pas moins de 170 personnes qui sont décédées depuis 1999 à Calais. Évidemment, il y a le port, là, qui est une zone importante, mais plus on fortifie, si vous me permettez l'expression, le port, plus les gens essaient de trouver une nouvelle voie de circulation. Et là, on parle du tunnel, donc le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Il y a des noyades aussi. On essaie de traverser de l'autre côté par le biais d'une embarcation ou à la nage. Et il y a des gens qui vont se faire frapper par des véhicules. Ça, c'est une des choses qui arrive. Certains vont mourir, certains vont rester blessés pour le restant de leur jour. Alors, on parle d'un renforcement de la sécurité depuis 2015 particulièrement. Il y a des barrières qui ont été érigées, des kilomètres et des kilomètres. Il y a 100 hectares qui ont été rasés et qui ont été inondés volontairement pour empêcher les migrants de se rapprocher du tunnel. Il y a des systèmes infrarouges et de détection thermique qui vont empêcher autant que possible les migrants de se rapprocher. Néanmoins, la plupart des gens qui souhaitent aller en Angleterre vont utiliser la technique de s'accrocher à un camion ou d'entrer à l'intérieur d'un camion, de se cacher sous le camion pour traverser sous la Manche. Donc, c'est quand même quelque chose d'une grande tristesse et qui fait des morts, là, encore tout récemment, de façon régulière. Éric Dussault, historien, ami de l'émission, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Éric. Fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.